coucou, les rameaux verdissent, coucou, voici le printemps. Coucou, le beau soleil brille, coucou, et les yeux défrillent, coucou, en font tout autant. Que faites-vous encore à sommeiller? Moi bien vite, coucou mon cœur vous invite, coucou, il faut nous aimer. Bien vite, coucou mon cœur vous invite.